avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Tsvalen, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et les voix de Yves Yeni et Mauro Bellucci. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.